là-bas. Là, on le répète chaque semaine depuis 3 semaines. Mais je serais curieux de savoir, répondez pas, combien sont allés les lire. On n'a pas juste écrit pour les écrire. On les a écrits parce qu'on s'est mis d'accord. Puis on s'est dit, on ne veut pas oublier sur quoi on s'est mis d'accord. Fait qu'on les a écrits. Fait que maintenant qu'on les a écrits, ben, tendance, c'est que, ah, c'est acquis, on passe à d'autres choses. On oublie. Mais on les a pas écrits pour rien. On les a écrits parce qu'on a dit, c'est ça qu'on veut vivre. Fait que, parce que c'est ça qu'on comprend de la parole de Dieu. Puis quitte à ce que, plus tard, ben, on les revisera si on s'est trompé quelque part. Fait que, il y a 2 semaines, Michel, nous a apporté, le premier principe, c'était que le point de départ de notre ministère, c'est-à-dire l'Église, c'est Dieu. Puis de donner gloire à Dieu, puis que tout va à Dieu, puis que Dieu mérite toute la gloire, il n'y a personne d'autre, tout est à lui. Fait que c'était ça son sujet. La semaine passée, j'ai eu la chance de nous apporter, lui, notre ministère s'exerce sur la base de la vision et de la foi. Effectivement, de ne pas s'inquiéter de rien, faire confiance à Dieu, peu importe les circonstances, puis juste de s'exercer à faire ce que Dieu demande, c'est tout. Il va s'occuper du reste. Puis on a entendu des témoignages le matin de ça. Dieu s'occupe du reste. Puis le passage clé de Gilles, c'est dans Matthieu 6. De pas s'inquiéter de rien. Ce matin, en principe, je devrais faire le troisième principe, mais ils sont pas nécessairement dans l'ordre logique. Puis en tout cas, Dieu a dirigé autrement, fait que j'ai pris le 9e. Puis le 9e, c'est... Le fruit de notre ministère est un service que nous rendons avec sacrifice. Fait que Dieu est souverain, il mérite toute la gloire. Dieu veut qu'on s'inquiète de rien, qu'on marche par la foi, qu'on dépende de lui. Puis Dieu veut que tout ce qu'on fait, on le fait avec un esprit de sacrifice. Fait que ça coûte quelque chose, l'esprit de sacrifice. C'est vrai que le salut est gratuit. Mais ce qui vient après, la seconde après, même pas, la milliseconde après, c'est un sacrifice. C'est que si c'est vrai ce que Christ a fait, si je crois en lui, ben ma vie m'appartient plus, donc ma vie lui appartient. Puis ce que lui me demande, c'est que on exerce ce que Dieu nous demande d'exercer avec un esprit de sacrifice, qu'on le fasse avec sacrifice. Et ce qu'on a écrit, c'est « Nous nous exhortons, c'est ce qu'on s'encourage à faire, nous nous exhortons mutuellement à maintenir une communion fraternelle sincère et à exercer de la compassion les uns envers les autres au nom de Jésus-Christ. Comment on va faire ça? En investissant nos ressources sans exiger quoi que ce soit en retour. Incluant les merci, oh, j'apprécie, t'es donc gentil, tout ça. Là. Ça peut même venir. Paul y va dire, je pense que c'est 1 Corinthiens 12, 12:54, je pense qu'il vient d'esprit. Non, c'est 12:15. 1 Corinthiens 12:15, je crois. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Là, il va le faire. Parce qu'il les aime, il va le faire. Tout ce qu'il a à faire, même si le résultat, c'est que eux autres, ils vont moins l'aimer après qu'il l'a fait. Mais lui, il va le faire. Parce qu'il les aime. C'est dans l'attitude dans laquelle Dieu veut qu'on soit. Que je suis pas en mode d'attendre de quoi que ce soit. Je suis en mode d'exercer. Donc, le fruit de ministère, c'est un service que nous rendons avec sacrifice. Nous nous exhortons mutuellement à maintenir une communion fraternelle sincère, puis à exercer de la compassion les uns envers les autres au nom de Jésus-Christ. On pourrait peut-être dire à cause de Jésus-Christ. Comment on va faire ça? En investissant nos ressources. Alors, pourquoi j'ai décidé de prendre ce principe-là? C'est parce que je trouve que ça fait suite exactement à ce que j'ai apporté de s'inquiéter de rien. Parce que s'inquiéter de rien veut dire que je m'inquiète pas de moi. Fait que si je m'inquiète pas de moi, ben je peux me concentrer sur les autres. Je m'inquiète pas de s'il va me rester de l'argent, s'il va me rester du temps, si je vais avoir le temps de faire ci, je vais avoir le temps de faire ça. Je m'en inquiète pas. Je m'investis dans la maison de Dieu. C'est ça que je vais faire. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Il s'agit de marcher par la foi en nous laissant guider par Dieu, en nous inquiétant pas, puis en faisant ce que Dieu demande qu'on fasse. C'est tout. Fait que je pourrais résumer sa prédication, c'est intéressant parce que son texte est Matthieu 6, 25 à 34, mais en fait, il a lu pas mal plus avant ça, je pense qu'il est parti à peu près de 19. Puis, il a manqué de gare juste à 32. Parce que quand j'ai écouté la prédication, il a arrêté à 32. Fait que c'est bon parce que ça me sert à l'introduction au matin. 33, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Inquiétez-vous pas de ce que vous allez, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez être vêtu, de où est-ce que vous allez dormir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis toutes ces choses-là vont vous être données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Parce que Dieu s'en occupe. En fait, tu sais même pas s'il y a un lendemain, là. Fait qu'à chaque jour, suffit sa peine. C'est vraiment ça. OK. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Full concentré sur le royaume, la justice de Dieu. Je m'inquiète de rien. Je suis pas en train de m'inquiéter de mes affaires. Je m'inquiète seulement. M'inquiète pas. Je m'investis dans les choses de Dieu. Je cherche la gloire de Dieu, la justice de Dieu. C'est tout ce que je veux. Je suis en train d'observer autour de moi la paix, la grâce, la miséricorde, le royaume de Dieu, la justice de Dieu. C'est ça que je regarde. Le reste, je m'en inquiète pas. Fait que ça veut dire, faut retourner au jardin d'Éden, pour ceux qui sont déjà venus avec nous là-dedans, là. Ça veut dire que je m'embarque plus dans la convoitise de la chair. Je m'embarque plus dans la convoitise des yeux. Je m'embarque plus dans l'orgueil de la vie. Mon travail, c'est Dieu qui m'a donné. L'argent que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Ce que j'ai de l'air, c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas moi qui ai un problème avec ça, c'est les autres. Bon. Non, mais c'est vraiment ça là, qu'il faut saisir. Je trouve que, personnellement, là, je débarque des fois, puis j'écoute des gens parler des fois, puis je trouve qu'on débarque. On revient tellement rapidement à nous, moi, mes affaires, ce qui est important pour moi, ce que j'aime, qu'on débarque d'être intéressé à ce qu'il plaît à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ici, dans cette situation-là, indépendamment de qu'est-ce que moi je vis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je risque de perdre? C'est clair. Et je vais juste lire quelques versets, parce que quelque part, j'aimerais arriver à ce qu'on ait un échange. On n'est pas beaucoup, là. Bon. Je pense que Michel, t'as oublié d'introduire Mylène aussi, hein, ça se peut ça? C'est Mylène, hein? Mélanie? Mylène? Hein? Mélanie! Bon, phew! T'as oublié d'introduire Mélanie, ça se peut-tu? Ben, elle avait pas marqué, t'avais pas marqué Mélanie. Fait que là, il y a une couple d'étrangers ici parmi nous, mais c'est pas des étrangers, c'est des frères, des sœurs, des amis. Fait que, sentez-vous à l'aise, on va arriver à un petit moment donné à des partages. Moi, c'est qu'au lieu que moi, je donne des exemples, que vous me donnez qu'on se donne des exemples de qu'est-ce qu'on est en train de dire, OK? Fait que, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, inquiétez-vous pas de ce qui arrive dans vos vies, OK? Romains 8, 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Pas juste dans l'éternité, là. Maintenant, vous allez ressentir ce qui vient de Dieu. Si vous vous concentrez sur les affaires de la chair, vous allez mourir. Vous n'allez pas ressentir les choses qui viennent de Dieu. Si vous vous concentrez sur ce que dit l'esprit, puis vous vous occupez pas des choses de la chair, vous allez vivre, vous allez ressentir, vous allez voir, vous allez saisir les choses qui viennent de Dieu. Colossiens 3:5 dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Faites tout mourir ça. Galates 5, 24 dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est pas quelque chose à accomplir. C'est quelque chose qui est déjà fait. Pour celui-là qui a vraiment saisi, celui seul, qui a vraiment saisi qui est Christ, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a changé dans nos vies, on n'est plus la même personne, on est une nouvelle personne, on est en apprentissage, c'est vrai, mais la base de notre apprentissage, c'est une décision qu'on a prise, qui a été démontrée par notre baptême, pour ceux de nous qui se sont rebaptisés dans les eaux du baptême, OK, plein conscient de ce qu'ils faisaient. Nous avons pris la décision d'un engagement, d'une bonne conscience devant Dieu, envers Dieu, puis on a pris cette décision-là devant les frères, les sœurs, puis c'est un choix qu'on a fait. Maintenant, il reste juste à être honnête avec la parole qu'on a donnée. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que les passions et les désirs vont nous lâcher tranquilles? Pas pantoute. Mais est-ce qu'on a pris une décision de plus marcher avec ça? 1 Pierre 2:11 dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est impossible de maintenir une communion fraternelle sincère, puis à exercer la compassion de Dieu les uns envers les autres, en mettant à contribution toutes nos ressources, sans considérer nous-mêmes, c'est impossible si on n'a pas saisi ce que je suis en train de dire. En fait, c'est pas ce que je suis en train de dire, ce que la parole de Dieu est en train de dire. C'est flou en masse, là, ce que je dis? Ou... Ça va, tout le monde? Au contraire, les ayant délaissés, il faut se concentrer à faire la volonté de Dieu en toute chose. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ça va arriver comment, ça? Pas juste le dimanche, pas juste pendant les agapes, pas juste en se donnant un petit coup de main de temps en temps. C'est concentrer, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu en toutes choses. Ayant purifié vos âmes, en ayant flushé tout ce qui vient de la chair, des yeux, de l'orgueil de la vie, en ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant à la vérité. Faisons ce qu'il dit, même si des fois on comprend pas le sens de ça, parce que, misère, que c'est pas facile à comprendre. Seigneur, tu comprends pas ma misère? Oui, je la comprends. J'ai payé pour. OK? Mais tu comprends pas ce que moi je te réserve en bénédiction si tu fais ce que je te dis. C'est ça que tu comprends pas. Comment on va faire ça? Éphésiens 5, 2 dit « Marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui lui a laissé toute sa gloire, toute sa richesse, toute sa puissance, il a tout laissé pour venir à notre place payer le prix que nous, on devait payer, qu'on pouvait pas payer. Il l'a payé à notre place sans regarder à quoi que ce soit de ce qui nous appartenait, ni de ce qui appartient à son Père. Nous, c'est la même affaire. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, nous tous, comme une seule et unique offrande et un sacrifice de bonne odeur. Commencez à lire quelques versets, là, puis le mot sacrifice est dedans, OK? Puis après, je vais aller voir la définition du mot sacrifice dans tous ces versets-là. Ça va-tu? Marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Exemple, OK. Alors, si c'est vrai que je marche dans la charité, Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Pas, je suis en train d'être. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis. Si c'est plus moi qui vis, le je est plus là. La chair, les yeux, l'orgueil de la vie, c'est plus là. C'est plus moi, c'est lui. Alors, si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ça qu'il a fait. Et il nous dit maintenant de marcher, dans Éphésiens 5, 2, de la même manière que Christ. Philippiens 2, 17, c'est Paul qui dit, « Et même si je sers de libation, pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. » Le mot « libation » ici veut dire quelqu'un qui donne son sang dans une mort violente pour la cause de Dieu. Paul il dit, « Même si je vais mourir, je vais donner mon sang par une mort violente à cause de Christ. » OK? « Je m'en réjouis, et je m'en réjouis avec vous tous. » Et je m'en réjouis avec vous tous. Ça veut dire qu'il prend pour acquis que eux autres aussi se réjouissent que Paul va persévérer dans la foi jusqu'à mourir d'une mort violente à cause de Christ. Parce que les autres espèrent aussi être capables d'arriver à mourir eux aussi, si c'est ce que Dieu demande, de mourir d'une mort violente en persévérant dans la foi à Christ. Fait que les autres aussi se réjouissent avec lui, qu'il est capable d'être là. Hein, ça va? Philippiens 4, 18. Le mot sacrifice, je ne l'ai pas défini encore. Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Alors, on a parlé du sacrifice de Christ, on a parlé du sacrifice que Paul va faire dans sa vie. Et là, maintenant, là, on parle du sacrifice que les saints, au travers d'Épaphrodite, font envers Paul. « J'ai tout reçu de vous et je suis dans l'abondance à cause de vous. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice de votre part que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Ça, c'est les saints de l'époque. Hébreux 11:4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoi comment. Alors, le sacrifice qu'Abel va faire ici est différent du sacrifice que les saints vont faire envers Paul, et c'est différent du sacrifice que Paul lui-même va faire, puis c'est différent du sacrifice, bien que des fois ça se ressemble, du sacrifice que Christ va faire. Hébreux 13:15, il dit, par lui, offrons, là c'est nous, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Puis Romains 12:1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot sacrifice ici, là, c'est le même mot partout. OK? C'est le même mot. Peu importe ce qui a été donné, c'est le même mot. Le sens du mot sacrifice, une victime. Quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé le prix ici. Quelqu'un a concédé tous ses droits en faveur de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il dit ici, là. Puis vivant, il y a plusieurs mots que je pourrais lire, là, mais je vais prendre ceux qui me frappent le plus, là. Vivant. Vivre une vraie vie. Avoir la vraie vie. Celle digne de ce nom. Actif, béni, destiné au royaume de Dieu. Vivre, c'est-à-dire passer sa vie, manière de vivre et d'agir. Alors, quand on lit Romains 12:1, il dit, je vous exhorte, ça c'est nous, hein, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme une victime engagée pleinement. Il y a juste une façon dont vous êtes, puis vous êtes toujours comme ça. C'est à ça qu'on est engagé. Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme mode permanent de votre vie actuelle sur la terre, comme l'ayant fait mourir pour laisser passer les choses de Dieu. C'est carrément ça. Fait que si on retourne quand il dit Paul, lui, personnellement, qui sert de libération, il parle carrément de sa mort physique. Quand il parle d'Épaphrodite, il dit que les saints qui ont fait une offrande, qu'ils ont envoyée à Paul, les Philippiens, qu'ils ont envoyé à Paul, Paul dit qu'il sait que cette offrande-là leur a coûté très cher. C'est pas du surplus qu'ils ont envoyé, là. Ça leur a coûté cher. Ils ont concédé des besoins à eux pour répondre aux besoins de Paul. C'est ça qu'ils ont fait. Quand Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c'est qu'il a pris quelque chose qui vient de Dieu, puis il l'a remis à Dieu à la manière que Dieu le veut. En fait, Abel a reconnu que dans le sacrifice, l'holocauste qu'il a fait, sacrifier les animaux, en faisant ça, il reconnaissait qu'il était pécheur, puis il demandait pardon à Dieu de la manière que Dieu veut qu'on lui demande pardon, par un sacrifice vivant. Est-ce que ça va tout le monde? Alors que Caïn, lui, il voulait que Dieu lui dise, merci, j'aime l'effort que tu as fait, j'apprécie le travail que tu as fait, je trouve ça sent bon ce que tu m'as fait cuire, tu sais. C'est comme tu veux. C'est pas ça que Dieu veut. C'était le premier. En passant, ça lui a coûté sa vie à Abel. Parce que Caïn n'a pas aimé ça. Par lui, offrons-nous, là, ça c'est Hébreux 13, par lui, offrons, par Jésus-Christ, offrons-nous, offrons à Dieu sans cesse un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Fait que des louanges, c'est pas juste de chanter des chansons. C'est que c'est tout le temps, en toute chose, dire merci. Pas juste quand il y a du monde. T'es tout seul, tu fais quelque chose, il fait beau. Il fait pas beau, puis Dieu répond à, quand même tu sens la main de Dieu qui t'est tendue. Merci Seigneur. Reconnaître Dieu dans toutes mes voies, partout, là où je suis, même quand ça va mal, même quand je vais mourir. Ça relève pas du choix ou de la volonté personnelle de chacun, tout ce qu'on vient de dire. C'est un ordre que Dieu nous donne. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 1 Jean 3,16 dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Pas juste avoir une vie, aller m'enfermer dans un sanctuaire à quelque part, isoler des gens, me priver de nourriture, être dans la méditation tout le temps que je suis réveillé, je m'efforce de rester réveillé 20 heures par jour, tout ça. Non, non, c'est pour les frères. Aucune gloire pour nous, toute la gloire pour Christ, tout ce que je fais pour la gloire de Christ, je le fais comment? En rendant un culte raisonnable. Lequel? C'est que je vais tout faire pour plaire à Dieu. Puis comment je fais pour plaire à Dieu? Je fais ce qu'il dit dans sa parole. Je vais pas inventer un nouveau système, je vais faire ce qu'il dit dans sa parole. Ouais, mais je trouve ça niaiseux. Ben, j'aime pas ça le monde, moi. Tu t'as pas demandé si t'aimais le monde, il t'a dit, fais ça. Tu t'as pas demandé d'avoir un bon feeling pour le monde, il t'a dit, fais ça. Ouais, mais... Il n'y a pas de « oui, mais ». Nous avons connu l'amour en ce que Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. OK, comment on fait ça? Ben, c'est un sacrifice complet. Si c'est partiel, là, c'est zéro. L'agneau qui est mis sur l'autel, il n'est pas à moitié mort. Il est mort. C'est pas un sacrifice partiel, c'est un sacrifice complet. Si je retiens quelque chose, j'ai rien donné. Dans le langage de Dieu, là, si je retiens quelque chose, j'ai rien donné. Il est mort. Si t'es encore, il y a une partie de toi qui est encore vivant, là, que tu gardes, là, tu l'as pas donné. OK? C'est un sacrifice complet. Ça touche quoi, ça? Puis c'est là que j'aimerais ça avoir des exemples. Parce que, des exemples de gens qui ont payé un prix à quelque part ici, là. Mon temps, là, il y a 24 heures dans une journée. Il y a 7 jours dans une semaine. Il y a 52 semaines dans une année. Bon. À toutes les 4 ans, on rajoute une journée, là. Ben, celle-là aussi, elle compte. OK? Mon argent, ça part de ma paye brute, les dons que je reçois à gauche, à droite, les retours d'impôts, n'importe quoi. Mon argent... Mes amis dans le monde que je veux pas perdre. Les faux frères. Les gens qui se disent frères, sœurs, mais quand ça arrive à appliquer la parole de Dieu, ils sont pas là. Ou qui vont même aller jusqu'à encourager d'autres à ne pas appliquer la parole de Dieu. Ma famille, je parle de ma famille humaine. Mon père, ma mère, mon frère, mes sœurs, humainement parlant, là. Des hobbies, mon petit dada, les affaires que j'aime faire, aussi banales que ça peut être, ça vient gruger mon temps. Puis toute forme d'attachement matériel, les choses que j'aime, la nourriture, la boisson, la cigarette, ma chaise confortable dehors au soleil, mon hamac avec mon nom marqué dessus, tu sais, n'importe quoi là, ça touche tout ça. OK? J'aimerais ça entendre des exemples. De prix payé là-dedans. C'est possible? Pas moi, en fait, qui en a besoin de l'entendre. On a besoin de le dire nous-mêmes. On a besoin de l'entendre, qu'on n'est pas tout seul. Christian, tu me regardes, tu as un point d'interrogation. Ah, c'est bon, ça. Christian réfléchit. C'est surprenant. Non, mais sérieux, là. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce qu'il y a des choses plus importantes que je tasserai pas, puis que l'Église aura pas la priorité là-dessus. Y a-t-il des choses plus importantes que Christ, que l'Église? Parce que je sais pas comment qu'on fait pour dissocier les deux, là. Christ est la tête du corps de l'Église. Il est la tête. C'est lui qui donne les instructions. C'est lui qui dit qu'est-ce qu'il veut. Il dit à chacune des parties du corps, mais tout le corps, bien coordonné, va fonctionner parce qu'on marche ensemble comme un seul homme. Ça, c'est quand c'est arrivé, là. C'est la volonté de Dieu que ça arrive. Bon, ça arrive-tu qu'il y a des domaines de ma vie que j'ai pas concédé? Si je fais ça présentement, ça serait bien d'être capable de te le dire à toi-même parce que tu perds des grandes bénédictions. Mais si tu en as concédé là-dedans quelques-uns, ben c'est clair que tu as eu des bénédictions. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est la bénédiction qui vient avec la concession. Est-ce que vous me suivez? Oui, vas-y, Geneviève. En fait, je vais pousser le Non, c'est vrai. Mais en même temps, le père de Daniel, quand il vient chez vous, il a besoin de quelque chose. C'est ça. Puis si tu es fermé, parce que tu veux ta journée de repos, tu seras pas à l'écoute de son besoin. Si je décide de concéder, puis je donne, là, je peux être à l'écoute de son besoin, puis lui aussi va être béni dans l'affaire. Et voilà. Mais ça commence par moi. Ah, mais Dieu est patient. Ça, c'est bon, c'est cool. Christian. Moi, c'est sûr, c'est vrai. Naturel un peu. Bon. Quand on est là, on devient ancien, comme ça m'est arrivé. On devient, on a la responsabilité de lui, dans la chambre. On devient en même temps conscient de ce que les uns les autres font dans le contrôle. Nécessairement précis, mais il est extrêmement relevant. un exemple concret de quelque chose. Christian. Quelque chose. Chaque fois que j'appelais à Saint-Jean pour représenter l'Église ici, à chaque fois que je me mets une clé dans le derrière, j'ai tout le temps quelque chose de important à faire chez moi. C'est quoi je le fais? C'est quoi la bénédiction, Christian? Ouais, d'aller à Saint-Jean puis de le vendredi matin. Mais on voit aussi, chez les gens là-bas, des bénédictions. Amen. Manon, ah, je t'ai pas vu, Manon, excuse-moi. L'autre bar, ça parle-tu ce bar-là? C'est rien passé. Non, mais des exemples concrets, là, de concéder personnellement mon temps ou un hobby quelconque ou mon argent ou peu importe, là. Oui. Exemple. Juste préciser le but de la question. Le but de la question, c'est par rapport à entre nous. Je mets quelque chose de côté pour la gloire de Christ ici parmi nous. Ok, vas-y là. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, vous priez que ça marche. Oui, j'ai... En fait, le sacrifice dont je parle, c'est, si on regarde juste Jésus-Christ, c'est que la seule chose qu'il fait, c'est qu'il se place devant son Père et il dit, tu peux faire de moi ce que tu veux. Je me rappelle d'un exemple bien, bien précis dans ma tête, où Dieu m'appelait à faire la même chose. Regarde, Seigneur, tu m'as donné des talents, tu m'as donné certaines habiletés, et j'aimerais ça que tu me suives. J'ai un frère qui m'appelle les 11h30 du soir. Puis, c'est que dans sa prise électrique, il y a des flashs, parce que c'est du câblage aluminium, c'est pourtant qu'il n'est pas bon. Et la prière que je vous dis là, on l'avait faite quelques heures avant. C'est juste que dit que Dieu prend vraiment au sérieux lorsque tu t'offres à lui. C'est vraiment sérieux. Et puis, il va dire, mettre à l'épreuve ta parole. Et la bénédiction qui est arrivée, c'est que j'ai eu un temps avec ce frère-là vraiment remarquable, que j'avais pas pu avoir avant. C'est sûr que je l'ai déballé en même temps. Mais la bénédiction, c'est que ça nous a rapprochés. Mais ça a peut-être sauvé les sens de sa maison aussi. Mais ce qui va bien en tête, c'est l'exemple d'Abraham. Dieu, il va juste interpeller Abraham par son nom. Il dit Abraham. Et quelle est sa réponse? Me voici. Me voici. Et c'est juste ça que Dieu s'attend. Quand on parle d'un sacrifice vivant, c'est que Dieu t'interpelle par ton nom. Et la réponse qui attend de nous, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Disponible. Et peu importe le temps, peu importe l'heure, peu importe la circonstance. Notre fils, avec sa femme, elle était chez nous. Ils ont pris un appartement, ils sont rendus chez eux. Mais à un moment donné, c'est ma belle-fille qui, le matin, l'autobus ne se présente pas. Et elle a une heure précise pour aller au travail. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de déjeuner? Ben, les plombs, c'est très bien. Non, vous comprenez? C'est très, très pratique avec Dieu. Mais c'est la seule chose qui s'attend, c'est notre disposition de cœur. Et ça, Jésus-Christ, là, pour lui, l'heure, ça n'existe pas. Quand vous lirez l'Évangile, vous savez, il y a certains endroits où Jésus se lève le matin, et puis il a toute une journée de préparer l'avance, et puis là, il va souper chez des amis, et après souper, là, le village arrive avec les malades. Non, mais il peut se reposer. Non. Il va se reposer plus tard. On a l'éternité pour se reposer. Mais c'est cette générosité, ce sacrifice total, c'est ce qu'il y a de nous. Mais on sait très bien, nous, avec quoi on a l'éternité. Jean-Claude qui avait expliqué plusieurs, alors c'est ça nos lieux. C'est avec la place, c'est avec nos amis, c'est avec la famille, on est présent, puis on a plein. Mais c'est toujours quand le Seigneur m'interpelle lui, là, parce que ça va être lui tout de suite. Et sans condition, sans commencer à évaluer, c'est oui tout de suite. En fait, c'est ce qu'on s'attend de nos enfants, c'est ce que son père, notre père s'attend de nous aussi. Et quand on le fait, là, vous n'avez pas d'idée. Je sais quand il parle, qu'il voit les bénédictions, là. Il voit les bénédictions dans la vie des autres. Mais quand lui sert,